Bien la boire fait marcher, papa l'avait coupé puisé, maman chérie pour j'en même, moi dis j'en pourrais même tout. Mandez pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, maman oui, montez là-haut. Accueilli café, cueilli café, cueilli cacao, cueilli cacao, la descente la ville, aïe mes joues barrées, moi, maman, maman, maman, oui, maman, maman, oui, aïe, pas ça, bien fait, et là, oui, ah oui. Du pantalon sous place Saint-Anne, qui côté moi je n'ai coquet, mais le coquet moi prête mes chiens là pour me décoquer, lui sorti faiblesse, pantilette là, la bouillie à Chico au sol là, grenadine cachim en Québec là, associé à pouvoir pétir, mais maman moi besoin d'hommes, mettez d'hommes, femme comme ça, comme ça, comme ça, ah oui. Ah oui, baka kempe, baka kempe, maman, maman, va changer longtemps, maman. L'aide d'après la goulée soir, n'al caché ensemble, maman. Maman remè, moi, papa remè, ouais. Ah oui, et là, oui, ah oui. Sans sale bagaille que ma pande ou, pour pas vite faire pas jalousie, pour demain pour nuit la vie. Mande pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, mande ou. La vie a mouillé moi, la vie a mouillé moi, ouvre porte pour moi, ouvre porte pour moi, pour m'capable dodo, pour m'capable dodo, ah oui, ah oui. Baka kembe maman we, la bla mouye maman we. Maman papa tout bien content. Ma tante, tonton, c'est pas parler. Où c'est cousine, t'en fais parler. Ça qui fait nous faire plein cas. Mais oui, ou bien pour marier, oui. Ou bien mal la caille, mon corps. C'est ça qui va arriver. Donc, on a cherché les filles. Cousine, je te trouve bonne à la main. Y a plein de balles en pile. Moi-même, je suis là. Ou bien pour marier. Ma point note. Ou toujours après un saut. Vous comprenez? Avec crayon. Ma point note. Vous comprenez? Ou pas marier. Les gars, vous pouvez me faire chanter au relais. Flecker.